أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On a prévu terminer le qada ou le qadar dans deux leçons, mais وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. On n'a pas pu le terminer dans deux leçons, inshallah. On va le terminer aujourd'hui. On va parler surtout des fruits de cette croyance et de certaines hadiths qui prêtent ou versets qui prêtent à confusion concernant le qada. Et je vais répéter, je vais un peu brièvement parler des sectes, des groupes qui ont dévié dans la compréhension du destin. La première extrême, c'est la secte qui a dit que la personne n'a aucune volonté et que c'est Allah qui l'a poussé à faire les actes, obéissance ou de désobéissance, et que la personne est dépouillée de toute volonté, de toute capacité, c'est Allah qui fait tout. Et c'est la secte des Jabrites, Al-Jabriya, qui sont inspirés de l'Qadariya Al-Mushrikiya et la Qadariya Al-Iblisiya. Donc ça, c'est la secte des Jabrites à leur tête, Jahm ibn Safwan. Ceux qui ont pris cette voie, c'est les Jahmites, quelques Asha'ira, Maturidiya, Kullabiya et d'autres, et certaines Murji'as. Et il y a l'autre extrême, c'est ceux qui ont dit que Allah ne connaît pas les choses avant leur arrivée. Il nie la connaissance, ou il nie l'écriture, ou certains nient la volonté. Hein? Mais ceux qui ont lié la connaissance, ils n'existent plus maintenant. Cette secte n'existe plus. À leur tête, c'était Ma'bad al-Juhani et Ghaylan al-Qadari. C'était les premiers. Parce que le Qadariya, c'était presque la première secte, juste avant le Khawarij, et presque en même temps que les Khawarij et Rafida par la suite. Les chiites par la suite. Donc les premiers ont nié qu'Allah connaît les choses avant leur déroulement. Ils ont nié qu'Allah sait que la personne va lui obéir ou va le désobéir. Il ne connaît pas les gens de l'enfer, il ne connaît pas les gens du paradis, il ne connaît pas les choses avant leur advenu, avant leur déroulement. Et cela, selon l'imam Ahmed, Shafi'i, l'imam Malik, ce sont des kafirs, ce sont des mécréants. Ils sortent de la religion de l'islam. La personne qui nie qu'Allah il connaît, ça veut dire qu'il attribue l'ignorance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les Mu'tazila, c'est les Mu'tazila qui ont propagé, qui ont répandu cette croyance de Qadariya, le fait qu'Allah ne veut pas le mal et qu'Allah n'a pas créé les actes de ses créatures. Ce sont les Mu'tazila qui ont répandu ce genre de croyance. Ils croient qu'Allah connaît toutes choses, mais concernant la volonté et la création de l'acte, c'est là où ils dévient de la voie droite des gens de la Sunna. Et ils sont tombés dans des ambiguïtés. On a donné des anecdotes de ce qui s'est passé avec eux, avec ces gens-là qui nient qu'Allah veut le mal. Ils disent qu'Allah n'a pas voulu que ces créatures commettent les péchés. Mais nous, les gens de la Sunna, on croit qu'Allah il a voulu que ces créatures commettent les péchés par sa volonté universelle. Mais il ne l'aime pas, il ne l'agrée pas, il ne l'a pas ordonné par l'intermédiaire de ses prophètes. Et je vais répéter l'histoire qui s'est passée concernant la personne à qui on a volé la chamelle. Et il cherchait un homme vertueux pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on lui ramène sa chamelle. Et on lui désigna Amr ibn Ubayd, l'un des têtes du Mu'tazilite. Parce que Amr ibn Ubayd et Wasl ibn Ata, sont les têtes de la secte des Mu'tazila qui ont vécu avec les Tabi'in. Ils ont vécu avec les compagnons, avec al-Hassan al-Basri, puisqu'ils se sont isolés du cercle de al-Hassan al-Basri. Et le terme isolé veut dire atizal. Et il les a appelés, Hassan al-Basri et d'autres, les Mu'tazila. Et Amr ibn Ubayd, il est connu par sa virtuosité, par son adoration d'Allah et tout, mais il nie qu'Allah, il veut le mal. Il nie qu'Allah a voulu que son serviteur le désobéisse. Et la personne qui est le compagnon ou le bédouin à qui on lui a volé la chamelle, on lui désignait Amr ibn Ubayd. Et il alla le voir, il lui dit, « Oh, cheikh, oh, imam, on m'a volé ma chamelle, invoque Allah pour qu'il me ramène ma chamelle. » Et Amr ibn Ubayd, il a levé les mains, il dit, « Oh Allah, je sais que tu n'as pas voulu qu'on lui vole sa chamelle. Je sais que tu n'as pas voulu qu'on lui vole sa chamelle. Ramène-la lui. » Et là, le compagnard, avec sa fitra de musulman, il a dit, « Je n'ai pas besoin de ton invocation. Je n'ai pas du tout besoin de ton invocation. Pourquoi ?» Il a dit, « Parce que Allah n'a pas voulu qu'on me vole ma chamelle. Ben, j'ai peur que s'il veut qu'on me ramène ma chamelle, les voleurs ne vont pas vouloir et la volonté des voleurs va prévaloir sur la volonté d'Allah. Allah, il n'a pas voulu qu'on me vole ma chamelle. Et on l'a volé quand même. J'ai peur que s'il veut qu'on me ramène ma chamelle, les voleurs ne vont pas vouloir. Et donc la volonté des voleurs va dépasser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre exemple que j'ai évoqué, c'est quand un Mu'tazilite a voulu essayer de guider un zoroastrien, ou comment vous appelez ça, un mage, majus, adorateur de... Ils ont deux divinités, divinité du bien et divinité du mal, etc. Et ce Mu'tazilite, il appela cette personne à l'islam. Et la personne, ce mage, lui a dit, est-ce qu'Allah a voulu que Satan le désobéisse? Et le Mu'tazilite, il a dit, non, Allah n'a pas voulu que Satan le désobéisse. Il a dit, moi je suis avec le plus fort. Je vais suivre Satan, puisque Satan, sa volonté est supérieure à celle d'Allah. Allah n'a pas voulu que Satan le désobéisse. Et Satan a désobéi à Allah, hein, malgré, contre son gré. Donc moi je vais suivre Satan, qui est plus fort. Et j'ai évoqué également le dialogue, la fameuse discussion entre Al-Qadi Abd al-Jabbar al-Hamadani et Abu Ishaq al-Isfrayini, l'un des grands savants de la Sunna al-Jama'a. Et cet homme est entré chez Abu Ishaq al-Isfrayini, c'était un Mu'tazilite, et lui dit, pureté à celui qui est exempt de tout péché, de toute turpitude. Il a dit pureté, ça veut dire pureté à Allah, il est exempt de tout péché. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Il a voulu dire par ça qu'Allah n'a pas voulu le mal, qu'Allah n'a pas voulu que Satan le désobéisse, ni Pharaon, ni les gens, les pécheurs, les libertins de notre communauté ou de ses créatures le désobéissent. Il a dit pureté à celui qui est exempt de tout péché, de toute turpitude. Et Abu Ishaq, l'Isfrahimi, lui a répondu, Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Pureté à celui que rien ne se passe dans son royaume sans sa volonté. Mal ou bien, soit le bien, soit le mal, ça ne sort pas de la volonté d'Allah. Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Pureté à celui que rien ne se passe dans son royaume sans sa volonté. C'est Allah qui a voulu tout ça. Mal ou bien. Et la personne, Qadi Abd al-Jabbar, il a dit, Allah veut-il qu'on le désobéisse? Et Abu Ishaq, il a répondu, désobéit-on Allah contre son gré? Ayuridu Rabbuna ayu'asa, il a dit, ayu'asa Rabbuna qahra. Et Qadi Abd al-Jabbar, il a dit, vois-tu, s'il m'a empêché toute guidée, et a décidé que je sois perdant, ou je sois perdu, je sois égaré. A-t-il bien fait ou mal fait? Ah, une bonne question. Il a dit, vois-tu, s'il a décidé que je sois égaré, et s'il m'a empêché toute guidée, est-ce qu'il a bien fait ou il a mal fait? Et Abou Ishaq, il a répondu, il a dit, s'il t'a privé ou s'il t'a empêché de ce que tu en es digne, il a mal fait. S'il t'a privé de quelque chose que tu mérites, il a mal fait. Et s'il t'a privé de ce qui fait partie de sa grâce, Allah, il réserve sa miséricorde à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Réponse des savants de Al-Sunnah. Il n'a pas besoin d'écrire des volumes et des volumes et des volumes pour casser l'ambiguïté des innovateurs. Cette histoire se trouve à la marge de l'explication du dogme Tahawi de Abu al-Aziz al-Hanafi, rahimahullah, page 251. Donc les gens de la Sunna sont au juste mesure entre les Jabriya et les Qadariya, entre les Jabriya et les Mu'tazila et les Qadariya. Donc ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe sur terre, il l'a voulu, il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Et l'être humain, il a une volonté, il a un libre choix. Et sa volonté ne sort pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils font la distinction entre la volonté ontologique, universelle, et la volonté religieuse qui est compatible à l'amour et à l'agrément. Maintenant, je vais évoquer certains versets, certains textes coraniques ou de la sunna, qui prête confusion pour certains, à savoir le verset suivant. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Le verset dans Surat Ar-Ra'd, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Surat 13, verset 39. Donc si Allah a tout écrit, et que l'encre est sèche, et que la plume est levée, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'il efface et il confirme? Et on sait que la table gardée, elle n'est pas sujet à l'effacement, et tout ce qui est écrit dans la table gardée, il est immuable. D'accord? Donc pourquoi ce verset-là? Allah efface ou confirme? De même le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par les shaykhans, le Bukhari ou Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance, et qu'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il garde le contact et se montre bon avec ses proches. Faliyas al-Rahima. Donc si c'est celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance, alors que sa subsistance a été déjà décidée, voilà combien il va gagner, voilà combien il va manger, voilà comment sa subsistance en totalité a été déjà écrite dans la table gardée. Et son échéance, son terme est déjà marqué, qu'il va mourir à l'âge de 70 ans, 80 ou 30 ans, c'est déjà marqué. Alors pourquoi ce hadith, il dit, celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort? La réponse, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle le qadar al-mutlaq, le qadar, le destin absolu, exclusif, ce qui est écrit dans la table gardée, et ça, personne ne le touche. Celui-là ne change pas. Ne change pas. Il n'est pas sujet à l'effacement, à l'augmentation ou à la diminution. Donc ça, c'est le qadar exclusif. Mutlaq. Absolu, ce qui est marqué dans la table gardée. Et le qadar mu'allaq, le destin conditionné, c'est celui qui est marqué dans les registres des anges. Ah, dans les registres des anges. Et les registres, ils peuvent faire l'objet de l'effacement. D'accord? Les anges peuvent ajouter, peuvent diminuer. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que cette personne va voir ses proches, va les visiter, va garder le contact avec eux. C'est une cause pour qu'on élargisse, pour qu'on retarde l'échéance de sa mort. D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux anges de marquer qu'il va mourir à l'âge de 60 ans, mais s'il va visiter ses proches, ajoutez-lui 10 ans. D'accord. Les anges ne connaissent pas ce qu'il y a dans la table gardée, ne connaissent pas le futur. Donc Allah va leur dire, voilà, il a fait la cause qui fait qu'on retarde l'échéance de sa mort. Effacez l'âge déjà marqué et ajoutez-lui 10 ans, 5 ans, ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Ça, c'est le registre des anges. Ce qui est dans la table gardée, il est intouchable. D'accord? Et même dans le verset, si on médite là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit » Allah efface ou confirme ce qu'il veut. Une partie du verset. « Wa'indahu ummul kitab » et l'écriture primordiale est auprès de lui. C'est comme deux parties du verset. Allah, il efface, il confirme ce qu'il veut. Dans les registres des anges et dans les autres décrets, à savoir le décret annuel ou le décret quotidien ou le décret relatif à l'âge. D'accord? Mais le décret humain, le décret général, il est intouchable. Donc, Allah efface et confirme ce qu'il veut. Oui, on est d'accord. Il demande aux anges d'effacer et de confirmer ce qu'il veut lui, subhanahu wa ta'ala. Et auprès de lui, il y a l'écriture primordiale et auprès de lui, il y a la table gardée. Là, cette table gardée qui est intouchable. D'accord? Donc c'est comme ça que l'ont expliqué les grands savants. Donc, le changement, diminution, augmentation, ça se passe dans les autres décrets, les décrets annuels, les décrets quotidiens, ou le décret relatif à l'âge. D'accord? Il y a aussi un autre hadith qui prête confusion, c'est le professeur sallam, il dit, il n'y a que l'invocation qui fait obstacle au qadar. Hein? La yuraddu al-qadara illa al-du'a. Comme ça. Hadith qui est rapporté par Tabarani al-Hakim et qui est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami' hadith 7739. Où il dit, rahimahullah, c'est un hadith hassan, assez bon. Donc, comment expliquer ce hadith-là? Comment expliquer? Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a la table gardée, le qadar exclusif ou absolu, et il y a les autres décrets, c'est le décret annuel, le décret de la vie, ou le décret quotidien, il se peut qu'il y ait des changements. Donc, il se peut que dans les décrets quotidiens ou annuels, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'anéantir une cité, d'accord? Parce qu'il a commis des péchés, il a commis de la perversion, etc. Il décide ce jour-là comme il dit subhanahu wa ta'ala dans Surah Ar-Rahman, chaque jour il se confirme dans une intervention et il décide d'anéantir cette cité. Rahmukallah. Il décide d'anéantir cette cité. Mais dans cette cité, il y a un croyant qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il décide d'anéantir toute la cité sauf cette personne parce qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il épargne. Donc, yaruddu al-qada, non pas le qada qui est dans la table gardée, mais la décision soit journalière, soit la décision annuelle, soit celle relative à l'âge. Vous avez compris? D'accord. Donc c'est une cause, l'invocation c'est une cause pour repousser un mal, pour apporter un bien. D'accord. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous châtier ni quoi que ce soit pour. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, vous n'arrivez jamais à me nuire ou à m'être utile si vous cherchez à les faire, ô mes serviteurs. Si les hommes et les djinns du premier au dernier était aussi pieux que l'est celui au cœur le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Hein? Et si tout le monde a le cœur du cœur le plus pervers, cela ne diminuerait rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Qu'aurait à faire Allah de vous châtier si vous êtes reconnaissant et si vous lui vouez croyance in amantum. Si vous lui vouer croyance et reconnaissance, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, le verset 147. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces versets-là, de ce hadith, par exemple, celui qui veut qu'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il visite ses proches, et qu'il n'y a que l'invocation qui repousse le qadar. Allah, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Subhanahu wa ta'ala, lui, la sagesse la plus parfaite, nous pousser à l'invoquer, nous pousser à visiter nos proches. D'accord? C'est ça ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Et pour... Donc, il nous pousse à l'invoquer et on doit l'invoquer en ayant la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous épargner le mal ou va nous apporter un bien. Donc, l'invocation, c'est une cause, c'est l'arme du croyant, c'est l'arme du musulman. Donc, ça concernant l'effacement dans le destin et la confirmation. Maintenant, on va parler de certaines erreurs. Les erreurs dans le qadar, dans la parole, dans le comportement, les erreurs où tombe la majorité des gens. Parmi les erreurs, c'est prendre le qadar comme prétexte, et ça on le voit, comme prétexte pour commettre des péchés, ou se dispenser des obligations. On dit à la personne, pourquoi tu ne pries pas? Il dit, parce qu'Allah n'a pas voulu que je prie. Si Allah l'avait voulu, je prierais, Inch'Allah. D'accord? La majorité des gens prennent le qadar comme prétexte. À cette personne, on va dire quoi? Est-ce que tu veux dire par Allah n'a pas voulu, il n'a pas aimé? Allah yuhib an tusalli, il aime que tu pries. Là, il ne peut pas, il va être confondu, il va dire oui, il aime. Ou il va se taire. Et s'il veut dire Allah n'a pas voulu, n'a pas écrit dans la table, gardez que je vais prier, ça veut dire que toi, dans cet univers, et Allah qui regarde, qui voit ce qu'il y a dans la table gardée. D'accord? S'il a voulu dire par volonté, volonté religieuse, amour, Allah n'aime pas la salat, a'udhu billah. Comment ça se fait qu'Allah n'aime pas la salat? Et s'il veut dire par vouloir, volonté ontologique, Allah n'a pas voulu, ça veut dire qu'il n'a pas écrit, il n'a pas encore écrit pour moi ce que je vais prier. Moi, je ne connais pas l'invisible. Et la personne, il prétend connaître l'invisible dans ce cas. Qui t'a informé? Qui t'a informé de ce qu'il y a dans la table à garder? Qui t'a informé qu'Allah a voulu ou n'a pas voulu? Qui t'a informé? D'accord? Pour répondre à cette personne qui prend le qadar comme excuse. Et ils le prennent dans beaucoup d'autres choses. Il y a aussi, il y a des gens, ils disent, on ne va pas aider les pauvres parce que si Allah avait voulu, il les aurait aidés. Hein? On va laisser la misère, on ne va pas aider nos proches, etc. Parce qu'Allah l'a voulu, prendre le qadar comme prétexte. Il y a aussi ne pas faire les causes sous prétexte qu'on a, comme ils disent en parenthèse, le yaqin, parce que la définition du yaqin chez Al-Sunnah Jama'a n'est pas la définition du yaqin chez les autres, d'accord? Peut-être on va faire un cours spécial là-dessus, bismillah. Il ne fait pas les causes sous prétexte qu'il a la conviction. Il dit, moi je crois, j'ai la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans faire les causes, Allah il nous donne. Sans faire les causes, Allah il va repousser l'ennemi. Sans faire les causes, on peut aller à une destination précise sans prendre nos bagages, etc. Parce qu'on a la conviction et crever dans le désert parce qu'on a la conviction qu'Allah va nous donner, etc. Ça, c'est une erreur dans le destin et la prédestinée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les causes. Il sait qu'Allah lui a promis la victoire, et on a parlé de ça, on a donné l'exemple de Khaybar. Allah lui a promis dans le Coran qu'il va rentrer à Khaybar. Il a pris l'armure, il a pris les épées, il a préparé les chevaux, il a désigné les émirs, etc. Il a fait les causes. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'yaqin le plus grand sur cette terre, on est sûr que le meilleur être humain sur cette terre, qui a le yaqin le plus fort envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait les causes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça qui a fait que les Mongols rentrent dans les pays musulmans, les croisés, les anciens croisés, les nouveaux croisés, etc. à cause de cette croyance. Hein? Adorer le cher, rentrer chez lui et invoquer, ou rentrer chez vous, parce que Allah nous, Et Allah, ce qui va nous atteindre, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Il ne va nous arriver, nous atteindre que ce qu'Allah a écrit. Et ils restent chez eux. Ils ne font pas les causes. Les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les compagnons, radiyallahu anhum, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Il ne va nous atteindre que ce qu'Allah nous a écrit, et ils rentrent dans les nuits. Et cela, il ne va nous atteindre que ce qu'Allah nous a écrit, et ils se cachent chez eux. D'accord? La mauvaise compréhension des qadars, comment notre salaf comprenait les choses et mettait en pratique les choses, les paroles d'Allah, et comment les derniers prenaient les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'une des erreurs, certaines erreurs à corriger. Il y a aussi ne pas invoquer Allah. Il dit ça ne sert à rien d'invoquer Allah puisque Allah a tout écrit. Allah, il a écrit que je vais être malade, ou Allah, il a écrit que je vais m'en sortir, etc. Ce n'est pas la peine d'invoquer Allah. Il donne comme exemple une histoire d'Ibrahim, alayhi salam, quand ils l'ont ligoté, ils l'ont jeté dans le feu, et que Jibril est venu le voir, et il a dit... Est-ce que tu as besoin de moi? Il a dit, je n'ai pas besoin de toi. Ibrahim a.s. a dit, je n'ai pas besoin de toi. Et Jibril a dit à Ibrahim a.s., il dit, demande alors à ton Seigneur. Et Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sa connaissance de ma situation suffit à toute invocation. Sa connaissance de ma situation suffit à toute invocation. Hasbi bisu'ali ilmuhu bihali. Ça veut dire qu'il connaît déjà ma situation, c'est pas la peine que je l'invoque. Mais c'est un hadith da'if. Il n'a aucune base. Cheikh Al-Albani, rahmahullah, il dit hadithun la asla lahu. Et même Cheikh Al-Islam bin Taymi, rahmahullah, dans Majmu'at al-Fatawa, le volume 8, c'est page 539, et vous allez trouver ça dans ce sujet de hadith da'if. Donc c'est un hadith qui n'a aucun fondement, hadith da'if. Et on ne peut pas l'attribuer cette parole. On ne peut pas attribuer cette parole à Ibrahim alayhi salam. Hein? D'accord. Il y a aussi un autre. Il y a certains qui disent ce genre d'invocation. Je ne te demande pas de repousser le destin, mais seulement de l'adoucir ou de l'alléger. La as'aluka du'a yqulu. La as'aluka radd al-qada' walakin as'aluka al-latfa fi. C'est un hadith qui ne doit pas être dit. D'accord? Parce que ce qui est décidé par Allah, subhanahu wa ta'ala, il est inéluctable. Il y a aussi ne pas dire le destin a voulu. Sha'at al-aqdar. Le destin a voulu. La volonté d'Allah est intervenue. On dit c'est Allah qui a voulu. Et on n'attribue pas l'intervention à la volonté d'Allah. Allah a voulu ça. Ce n'est pas le destin qui a voulu ça. D'accord? C'est Allah qui a voulu. Et dire aussi, Allah est telle personne en voulu. Sha Allah wa sha fulan. Et ça, on connaît le hadith du prophète sallam, quand la personne a dit, Sha Allah wa sha'at. Allah et toi en voulu. Et le prophète sallam, il a dit, tu m'as rendu comme un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, comme un rival. Aj'altani lillahi nidda, bel qul ma sha Allah wahda. Dis, Allah a voulu. Allah, l'unique a voulu. Il ne faut pas dire Allah est telle personne en voulu. Parce qu'on va égaler la personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la volonté, qui est un attribut propre à lui subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le manque de certitude que la fin heureuse est au pieux, ici-bas et dans le-delà. Il y a des gens qui ont un sentiment d'infériorité devant le développement économique des koufars, devant le développement industriel, et ils ont ce sentiment d'infériorité qui touche leur croyance dans le qada ou le qada. Ils sont plus forts, ils ont des satellites, ils voient les fourmis dans les ténèbres de la terre avec leurs satellites, avec leurs moyens. Ils agrandissent l'ennemi. Les satellites, ils se trouvent où? Au-dessous d'Allah ou au-dessus d'Allah? Répondez, Allah, ils se trouvent où? Au-dessus des cieux. Ils se trouvent au-dessus des satellites ou au-dessus des satellites? Au-dessus, khlas, on a confiance en celui qui est au-dessus. Ça, c'est la croyance dans le qada ou le qada. Donc, il explique leur manque de l'iman, leur manque de la croyance du destin et la destinée. Il l'explique verbalement. Ça veut dire qu'ils dévoilent ce qu'ils ont dans leur cœur. sentiment d'infériorité. On est faible, ils peuvent nous anéantir, ils peuvent nous détruire, etc. etc. Donc c'est une erreur. Nous, on a confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, que rien ne sort de sa volonté, rien de tout est sous sa puissance subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi chercher l'avenir chez les devins et les marabouts. Ça, c'est shirk wa l'ayadu billah, un acte d'association. Parce que la personne ne croit pas qu'Allah il connaît toutes choses, il ne lui fait pas confiance. Donc, ou à la moindre maladie, au moindre problème, il se sépare de sa femme, ou il arrive le moindre problème. Au début, il croit au qadar, au destin et la prédestinée. Et après, au moindre problème, la mise à l'épreuve, est-ce qu'il croit vraiment, il va courir chez les devins, il va chercher d'autres causes qu'Allah n'a pas légiférées. Il y a aussi dire à quelqu'un, toi, Allah ne te pardonnera jamais. Et ça, il y a un hadith là-dessus, rapporté par un musulman selon Jundub, qu'un homme, il a dit à tel homme, il a vu qu'il est dans les péchés, et qu'il insiste dans les péchés, persiste dans les péchés, il a dit, Allah, toi, Allah ne va pas te pardonner, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui est celui qui jure que je ne vais pas pardonner à telle personne, je lui ai pardonné, et j'ai rendu les œuvres de cette personne vaines, de la personne qui a prétendu ça. Donc il ne faut pas dire qu'Allah dira à quelqu'un, oh celui-là, et Allah ne lui pardonnera jamais, oh celui-là ne va jamais être guidé, oh celui-là ne va pas être, celui-là c'est une pierre. Il ne faut pas dire ça, non. D'accord? Donc ça, c'est des erreurs. Il y a aussi s'opposer au destin par le refus. De dire que quand quelqu'un est atteint par un mal, il dit, oh, je ne mérite pas. Oh, pourquoi t'as touché? Tu m'as touché, moi, tu n'as pas touché telle personne. Ou, etc. S'opposer au destin, au qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit... pour que ce soit touché par cette maladie, par ce problème, ça c'est s'opposer au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grave, ça montre que la personne, soit sa connaissance, soit son iman est bas, son iman du qadar, au qadar spécialement. De répéter souvent, si jamais j'ai fait ça, j'avais fait ça, j'aurais ça. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conseillé à Abdullah ibn Abbas, il dit, ihras ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Insiste, cherche avec insistance ce qui t'est bénéfique. Cours toujours derrière ce qui t'est bénéfique ici-bas. Profite de l'occasion. Ce qui t'est bénéfique. Wasta'in billahi. Demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne tombe pas dans la paresse. Dans la fainéantise. Ne dis pas wala ta'jaz. Hein? Et s'il t'arrive quelque chose, ne dis pas si j'avais fait ça, j'aurais eu ça. Parce que le terme « si » ouvre la porte à l'intervention de Shaitan. « فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais. Et le terme « si » est utilisé dans le Coran par les hypocrites. Dans Sourate Uhud. « قَالُوا لَوْ أَطَعُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا » Dans la bataille de Uhud. Hein, quand les archers, ils ont fait l'erreur. Et quand Khalid ibn Walid, avec son groupe, il a entouré, il a encerclé les musulmans et il les a tués. Il a 70 des martyrs. Shuhada, Uhud. L'erreur, la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont dit les hypocrites? Ils disent, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués. « قَالُوا لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا » قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala répond, l'ordre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, si nous avions quelque chose dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués par les Quraysh. Il utilise le terme, si, là où, ça y est, Allah il a décidé subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a répondu, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, si vous étiez restés dans vos demeures, ceux dont la mort était écrite n'en seraient pas moins sortis vers leur dernière couche. Si vous êtes restés chez vous, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé la mort, il va rentrer chez vous, l'endroit où vous dormez. Donc vous ne sortez pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina qalu li ikhwanihim law ata'una ma qutilu. ceux qui ont dit, الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا, ceux qui sont restés dans leur foyer dire à leurs frères s'ils nous avaient obéi ils n'auraient pas été tués. S'ils étaient restés avec nous, avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites et son groupe à lui, il leur est pas arrivé ce qui est arrivé. Ils prennent le qadar, ils utilisent le terme si, parce que le terme si, là-haut, la condition, ça ouvre la porte à Satan. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, dit écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. La mort, elle va venir aujourd'hui ou le lendemain. Ça, c'est aussi une erreur, les deux erreurs dans le langage, dire si, ici, à chaque fois de dire si. Et il y a aussi des actes qui montrent qu'on s'oppose au qadar, tel que à la mort de quelqu'un, les lamentations, griffer le visage, appeler la destruction sur soi-même, ça veut dire qu'on refuse la décision d'Allah. On n'est pas content, on n'agrée pas ce qu'Allah a décidé. Donc ça, c'est un acte qui s'oppose à Qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman bil-Qadar, c'est un acte qui s'oppose à cette croyance. Il y a aussi le hasad, l'envie, espérer que telle personne soit privée d'un bienfait, ou répugner qu'un bienfait l'atteint. D'accord, c'est ça le hasad. Donc le hasad, c'est comme si l'envieux, il dit, celui-là, il ne mérite pas que tu lui combles de bienfaits, et pourtant tu l'as comblé de bienfaits. C'est ça ce que dit le hasad dans l'intérieur de lui-même, celui qui, l'envieux. C'est ça. Il est en train de proposer à Allah, il dit, non, il ne faut pas lui donner, il ne faut pas donner à cette personne, il faut donner à autre, donner à moi. D'accord? Il s'oppose au qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il donne des suggestions à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, l'envie, c'est dangereux. Donc ça touche la croyance au destin et à la prédestinée. Et c'est une branche de quoi? Qui peut me répondre? Hasad, c'est une branche de quoi? L'amour, c'est une branche de quoi? Le hasad, l'envie, c'est une branche de quoi? De le kofr, barakallahu fikoum. De la mécréance. De même, espérer la mort. Espérer quand la personne est atteinte d'une maladie ou il a des problèmes. Il va espérer la mort. Donc, parce que la personne, déjà, il ne sait pas ce qui va lui arriver après la mort, le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer. Et il y a autre chose, le fait d'espérer la mort, ça, on sait que la mort, elle interrompt les œuvres. D'accord? Donc, plus Allah, il te donne, il retarde l'échéance de ta mort, ou il... chaque fois que tu te réveilles le matin, c'est que tu as une chance de faire les bonnes œuvres. Et un atome de hasanat, de bonne action, il vaut mieux que la terre entière. Il vaut mieux que la terre entière. La terre ici-bas, depuis qu'Allah a créé Adam, même avant. Une bonne action. Si Allah, il l'accepte. Donc plus t'es vivant, c'est plus ton âme elle est dans ton corps, c'est une occasion pour profiter, pour chercher avec insistance ce qui t'est bénéfique. D'accord? Donc la personne ne doit pas espérer la mort. Il y a le suicide. Se débarrasser d'un mal, se débarrasser d'un mal, enfin, c'est pas se débarrasser, c'est tomber dans un mal plus grand, le fait de se suicider. C'est le mal de cette société, le mal de la société occidentale. Puisque il y a le taux de suicide le plus haut. Pour moindre chose, des futilités, ils se suicident. Subhanallah. Ça, c'est dû à la mauvaise croyance ou des erreurs dans le qada ou le qada. Il y a aussi se mettre en colère à la naissance d'une fille au lieu d'un garçon. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Nahl, wa idha bushra ahadum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara min al-qawm min su'i ma bushra bih, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, ala sa'a ma yahkumun. Allah, il dit dans le Saint-Coran, et lorsqu'on énonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Et la suite du verset, il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte, ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. comme les gens de la Jahiliya anti-islamique. Ceci est grave. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Parce qu'il y a beaucoup de choses répréhensibles. Il y a premièrement que la personne, il s'oppose à la décision d'Allah. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il n'accepte pas un don d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé hiba. Il l'a appelé don. Yahabu liman yasha'u al-inath wa yahabu liman yasha'u al-dhukur subhanahu wa ta'ala. Hein? Il fit don de fille à qui il veut et il fit don de garçon à qui il veut. Donc c'est un don d'Allah. C'est une hiba. Lui, il refuse le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est deuxièmement. Il y a le mépris, c'est, ça sous-entend, même s'il ne le dit pas, mépris de la femme. D'accord? C'est un rabaissement de sa valeur. Et lui imposer quelque chose qu'il ne peut pas, qu'il ne peut supporter. D'accord? Il y a ça aussi qui répond. Il y a manque de raison. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est Allah qui décide que ce spermatozoïde qui porte le chromosome Y féconde cet ovule. C'est Allah qui décide et c'est Allah qui décide toutes les étapes. Toutes les étapes, l'embryogenèse, etc., etc., jusqu'à la fin. C'est Allah l'unique qui décide, subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le fait de ressembler au comportement des koufars de la jahiliya, hein, du paganisme anti-islamique. Ces choses, vous allez les trouver dans Tuhfat al-Mawlud, fi Ahkam al-Mawlud, d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il y a aussi parmi les erreurs, c'est de dire telle personne est-il mort à cause de quelque chose, un accident, ou c'est juste le qada et qadar. Est-ce que cette personne est mort à cause d'un accident, de quelque chose, ou c'est juste le destin? Mais tout ne sort pas de Qadar Allah, subhanahu wa ta'ala. Accident, pas accident, cause ou sans cause, tout ne sort pas de ce qu'Allah a écrit. Hein? D'accord? On dit, cette personne est morte par le Qadar Allah à cause d'un accident, crise cardiaque, maladie, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est en gros les erreurs. Là, vous allez toucher l'importance de l'aqidah dans notre société. Quand on corrige les pensées des gens, les croyances, ça donne des fruits. D'accord? Et croyez-moi, si les gens insistaient à l'étudier, l'aqidah, à la mettre en pratique, l'ennemi, il tremble. Sans matériel, l'ennemi, il tremble. Il y a les fruits de cette croyance. Les fruits, bien sûr, il y a beaucoup de fruits, vous devez connaître pas mal, réalisation de l'adoration d'Allah, tawhid, puisque tu crois qu'Allah est qadir, il est le puissant, hein, et rien ne sort de la volonté d'Allah, etc. Il y a aussi purification du cœur, de l'association, purification de ton cœur, de shirk, parce que les gens qui se sont égarés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'Allah n'a pas voulu le mal. Ils prétendent que l'être humain, c'est lui qui a créé le mal. Donc, ils ont associé avec Allah, ils ont dit Allah, il est le créateur du bien. Et tout le monde, tout pécheur est créateur du mal. Beaucoup de divinités, hein? Il y a beaucoup de divinités sur terre. Donc, c'est purifier le cœur du shirk, de l'association. Donc, croire au qadar est très lié au tawhid. Il est très lié à la sémirie, il est très lié à l'uluhiya, au fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de l'uluhiya, de l'adoration. Donc c'est très lié. Il y a réalisation de la guidée et l'augmentation de l'iman. Quand on croit au qadar, on réalise le tawhid et l'iman, notre iman, il monte, notre foi, il augmente. Hein? Et Allah nous dirige, nous guide vers la voie droite, car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate 64, le verset 11, « Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba. » Allah, il dit subhanahu wa ta'ala, « Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. » Ha, qadar. Ça, c'est le qadar. Le reste du verset est « Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. » Donc, c'est croire au qadar. Si tu crois au qadar, ces 4 degrés, pas seulement croyance, pas théorique, seulement dans la tête, mais il faut mettre en pratique ça, il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il guide ton cœur, et la suite, inshallah, après. Subhanakallah, bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.